Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, la dernière réussite de Stephen Frears. Paris dans les années 20. L'histoire d'une romance entre une femme d'âge mûr et d'un jeune homme. Ce dernier, fils d'une riche courtisane, côtoie une amie de sa mère qui se charge de son éducation amoureuse pendant 6 ans. Mais lorsqu'il se voit contraint d'épouser une femme de son âge, il ne parvient pas à l'oublier et préfère se réfugier dans un monde imaginaire. Je souhaitais profiter de l'occasion pour te parler de chéri. Il ne sort jamais de son lit avant 2 heures. Cet enfant finira par me faire mourir, je te le dis. Il n'écoute plus un mot de ce que je dis, mais je suis sûre que si c'est toi qui lui parles, il écoutera. Chéri! Je suis perpétuellement épuisée. Je te l'ai dit, tu as très mauvaise mine. Je suis probablement en train de me ridiculiser. Mais après tout, quelle importance? La vie est courte. Je ne saurais critiquer son caractère pour la bonne raison qu'il paraît n'en avoir aucun. Déguerpie et que je ne te revois plus. Jamais? Jamais. Vous aimez être méchant, monsieur? Absolument. Ça me remonte le moral. Tu trouves qu'il me va bien, ce bonnet? Tu ressembles à un vieux forçat. Tu n'aurais pas des détails plus croustillants à nous raconter? Oh, je ne vois pas de quoi tu parles. Chéri, réalisé par Stephen Frears avec Michel Pfeiffer, un DVD Fox Pathé Europa.